بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما معنى سيكوا لي انداد؟ الاصنام. لو سونس دو انداد. ايجو. نعم. وما حكم من يقول لولا كذا، لولا فلان مثلا لكان كذا، ما يبيت ان تيل ان يور بايت تيل شوز. يدخل في باب التنديد. يا دو لا كم شيخ افتي لا فايده هي le botland du col de ceux qui ont dit لولا مالك لكان الدين هالك. Ça a été Malik, mais Malik, la religion aurait péri. Tu vois, لولا مالك, ça rentre là-dedans, ta maman. لولا الله. C'est l'imam Malik, parmi les grands imams qui ont préservé cette religion, par le biais d'Allah, il en a fait une cause. Lui, les imams, avant eux, les sahaba, et après, les grands savants jusqu'à notre époque, qui sont des causes que la religion a préservées. Ou ma hukm man yahlif bil li ghayrillah, qui jure pour autre que Allah. Asrar. Lazim. Sauf si interdit. Si interdit, ça peut devenir akbar. Et c'est quoi le pire? Jurer par Allah en mentant ou jurer pour tout cas Allah en étant véridique? Jurer pour tout cas Allah en étant véridique, c'est pire. Limada. Naam. Et si quelqu'un te dit, jure par Allah pour quelque chose, dois-tu accepter? Dans un hukm shari, dans une qadiya shari'a, avec un qadi, lazim yakbal. La base, c'est que tu acceptes. Naam. Taïb, elle est nouassil. La mouraja, on la fera demain, inshallah. Qala le mu'allifu, rahimahou ta'ala. Bab qul, ma sha'a Allah, wa shi'it. La parole, le propos de la parole, selon la volonté d'Allah, est la tienne. Donc ça revient un peu au bab qu'on a pris avant. Le bab 42. Dans le tandid, la masala j'ai été cité. Le fait de dire Masha Allahu wa shit ou wa fulan. Qala al-Sheikh Ibn Baz rahmahullah ta'ala. Arada al-mu'allif bayan hukm qawl Masha Allah wa sha fulan wa ma ashbah dhalika wa annahu yajib an yaqul thumma fulan wa hadha wa muqtada al-tawhid wal ikhlas wa fihi kamal al-tawhid wal bu'd 'an al-shirk daqiqihi wa jalilihi. فحكم هذا انه لا يجوز فقول المؤلف باب كذا اي حكم كذا. Donc l'auteur a voulu par là démontrer le jugement qui se rapporte au fait de dire comme Allah le veut et comme toi. Et c'est quoi l'obligation, on avait dit c'est, il faut dire quoi en vrai? Thumma. Allez, ouais, parce que le waouh, on dit et ça revient à quoi? À égaliser entre Allah et à donner une part à la personne dans la volonté de le cours des choses. Donc ça touche au tawhid. Donc ça c'est du shirk lafzi. Il peut être akbar ou asrar. Il est asrar dans le fait que le lof lui-même il est interdit, il rentre dans le shirk. Il est akbar si jamais il a vraiment pour croyance que cette personne-là a une part dans le cours des choses. Et là, shirk ou fimada, dans quel tawhid? Rububiyya. Donc, فقال فالأكمل ما شاء الله وحده. Le plus complet, le meilleur, c'est de dire ما شاء الله, c'est tout. Et le fait de dire ثم فلان, ensuite un tel, c'est permis. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وأشيت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم أشيت. رواه النسائي وصححه. Donc selon Qutay là, qu'un juif s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un yahoudi, et qu'il a dit, vous faites du shirk, c'est-à-dire vous les musulmans. Vous dites, comme Allah veut et comme tu veux toi, c'est-à-dire Mohammed. Ou peut-être autre que Mohammed, Allah alam, c'est... Quand il dit toi, peut-être qu'il vise Mohammed ou toi comme à la personne à qui il parle. Ala kullin. Et vous dites... par la Kaaba, c'est-à-dire vous jouez par la Kaaba. Fal Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, c'est-à-dire aux musulmans, de dire, si jamais vous voulez jurer, alors jurez en disant, par le Seigneur de la Kaaba. Et si vous dites, comme Allah le veut, alors dites, ensuite, comme tu le veux, c'est-à-dire summa. Yahoud, à la base, le mot Yahoud, il vient du fi'l. Il a deux origines, comme le Sitchira en Faymin. Ça vient de Hada Yahudu, qui veut dire Raja'a, qui a fait Kulla Haza Wajel, Inna Hudna Ileik, Akul de Moussa, c'est-à-dire on revient vers toi. Hada Yahudu. Et un autre sens qui a été donné, c'est que ça viendrait de un de leurs ancêtres, les fils de Yaakoub, qui s'appelle Yahudha. Yahudha, donc ils ont été appelés Yahud, Nisbatan Ilehi. Par appartenance. Par affinité envers lui. Et il dit là, il n'y a pas de manière que les deux sens soient corrects. Donc, Hada Yahudu mana Araja'a. Inna Hudna Ilaik. Comme a déjà fait le Coran. Et les Yahoud sont les Banu Israël. Israël, c'est Yaqub, alayhi salam. Donc, il dit. Le shir, فإن فيه أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء ومسائل إذا كان عندهم هوى وإن كانوا هم واقعون في ذنب وفسق وكفر أعظم من ذلك. Donc les gens des passions, il dit, les gens du baatil, ce qui prouve que ce, même ce qui est lié au kuffar, on peut l'utiliser comme istidlal sur toute personne du faux, même un musulman, qu'ils comprennent des choses. Il y a des choses du haq qu'ils ont compris. Et des masaïls qu'ils ont compris. Même s'ils ont en eux des passions. Et qu'ils sont, eux, touchés par un mal plus grand que ceux qu'ils te reprochent. Amen. Que ce soit du kufr ou du fisc. وَلِهَذَا عَابَ الْيَهُودَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغَيْظِ وَالْحِقْدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَابُوا فِي قَوْلِهِمْ وَلِهَذَا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتْ وَأَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. Et donc, c'est pour cela que les Yahoud ont critiqué les musulmans. Ils l'ont critiqué pourquoi eux? Pas pour le tawhid, mais pour ce qu'ils ont dans leur cœur comme mépris envers eux, en fait. Envers eux et envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont eu raison dans leurs paroles. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné aux musulmans de dire « Masha Allah thumma ashit » et de dire « Wa Rabbi al-Ka'ba ». Donc là, ça nous donne un ders à nous, les musulmans, de comprendre que même les gens du faux peuvent dire la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie des gens du faux, que ce soit un kafir, un mubtadir, ou même un frère salafi, mais qui soit sur une erreur dans une chose, que tout ce qu'il dit c'est faux. Il peut dire la vérité. Et que cette vérité, tu dois l'accepter de lui. Qui qu'il soit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'accepter de quoi? D'un Yahoudi. Et il n'a pas blâmé, il a dit de toute façon vous. Non, il n'a rien dit. Il est parti voir les musulmans, il leur a fait tambi. Même tu leur as dit, ça c'est une erreur. Faut pas dire ça. Donc ça c'est l'équité, ça. Et c'est venu dans l'affaire de Salaf que tu n'atteindras pas le tawazur tant que tu n'accepteras pas la vérité de ton proche comme de ton ennemi. Ou de celui qui est au-dessus de toi comme de celui qui est en dessous de toi. Tu ne seras pas quelqu'un de humble et de modeste tant que tu n'arriveras pas à accepter la vérité de quiconque. Quelle que soit sa place par rapport à toi, ou quelle que soit sa position, est-ce que c'est quelqu'un du faux ou quelqu'un du vrai. Et tu sauras aussi également que les gens du faux, d'accord, même si parfois, et comme on dit, disent la vérité, leur but ce n'est pas de sauver la vérité. C'est juste de te critiquer. Par exemple, les musulmans, les koufars le font souvent avec les musulmans. Ils vont prendre des erreurs que font des musulmans pour dire vous faites ça et ça et ça et ça et ça. Et dans la critique, elle est réelle. Mais c'est quoi leur but? C'est pas rectifier, c'est critiquer l'islam, en fait. Ils vont prendre une erreur commise par des gens pour dire, vous faites ça les musulmans. On dit, naam, on fait ça, c'est vrai, mais ce n'est pas l'islam qui vient de faire ça. C'est nous, on fait ça de nous-mêmes comme erreur. Et leur but, bien évidemment, c'est juste de te salir et de te discréditer. C'est tout. Même s'ils ont raison. Et s'ils ont raison, il faut accepter. قال وله إذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأشيت فقال أجعلتني لله ندة ما شاء الله وحده أخرجه البخاري dans الأدب المفرد. Et également selon النسائي كذلك qu'Ibn Abbas, il a dit qu'un homme a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le veut et comme tu veux toi. Il lui a dit, aurais-tu fait de moi un égal à Allah? C'est comme Allah le veut seul. Masha'Allah wahda. Donc là, ça revient à la masala qu'on a pris. Le plus complet, le plus parfait, c'est de dire Masha'Allah wahda. Sinon, tu dis thumma. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé cela de lui et a corrigé cette personne. Billati ahsan, de la meilleure des façons. قال ولابن ماجه عن طفيل اخي عائشه لامها قال رايت كاني اتيت ولا نفر من اليهود فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرته ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته قال هل اخبرت بها احد قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كانت يمنعني كذا وكذا وأنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. Donc selon Ibn Majah, rapporté par Ibn Majah, que Tufail, le frère de Aïcha de sa mère, car Abu Bakr radhiyallahu anhu avait plusieurs femmes, et Tufail c'était le frère de Aïcha de la même mère, il a dit: j'ai vu, c'est-à-dire en rêve, que je me rendais auprès d'un groupe de Yahoud. Et je leur disais, vous seriez des gens de bien à la base, si jamais vous ne disiez pas, Ozeï, le fils d'Allah. Et eux, ils répondirent, vous seriez des gens de bien, si jamais vous ne disiez pas, Masha'Allah wa Masha'Muhammad, comme Allah le veut, comme le veut Muhammad. Ensuite, je suis passé auprès d'un groupe, des Nasara. Et je leur ai dit, vous seriez des gens de bien, si jamais vous ne disiez pas, que le Messie, c'est le fils d'Allah, Isa. Et ils ont répondu, et vous également, vous soyez le peuple de bien, si jamais vous ne disiez pas, Masha'Allah wa Masha'Muhammad. Et lorsque vint le matin, j'en ai informé certaines personnes. Ensuite, je me rendis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je l'en informa. Et il dit, est-ce que tu en as informé quiconque ou quelqu'un? Il a dit oui. Donc il a fait les louanges d'Allah, il a fait son sana, et après il a dit Amma Ba'd, c'est-à-dire il a fait une khutbah. Et il a dit, certes, tout fail a vu un rêve. Il en a informé, qui en a informé parmi vous? Que vous dites une parole qui m'empêchait, que je ne pouvais vous blâmer auparavant à cause de telle et telle chose. Mais aujourd'hui, je vous en interdis. Ne dites pas « Masha'Allah wa Sha Muhammad », mais seulement dites « Masha'Allah wahda », comme Allah le veut seul. Naam. Donc ce hadith, moi, il me pose problème. Du fait que, du coup, Antum al-Qawm, Lawla, Dakulun Kaza wa Kaza. Comme s'il n'était blâmé aux Yahoud que le fait qu'ils disent que Uzayr ibn Allah est le fils d'Allah. Alors qu'ils ont fait des choses plus graves, ils ont tué les Anbiya. Plein de choses graves. Ils ont refusé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça me pose problème, et dans les shuluhat que j'ai vu, j'ai pas vu d'explication à ça. Enfin, tu me dirais, j'ai regardé quand dans le Qawl Mufid, j'ai pas trouvé de Bayen par rapport à ça. Et le Nasara, pareil. Ils ont dit que Isa est le fils d'Allah, mais également ils ont refusé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont refusé Mohammed. Et ils ont adoré leur rabbin et leur moine, comme on l'a pris auparavant. Ils ont fait du roulou dans la salihin. Ils ont fait des koubours des NBA, des massajid, comme on l'a pris, plein de choses. Donc là-dessus, j'ai pas d'explication par rapport à ça. À la kullin. Là, ça revient à la mas'ala du fait de dire Masha'Allah, Washa Muhammad, ou Ghayl Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce qui m'empêchait de vous blâmer auparavant, c'était la gêne du fait que, c'est pas la gêne de la vérité, mais du fait qu'en fait, il n'y avait pas eu de wahi, que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas encore descendu de révélation, ordonnant de ne pas dire cela. Mais au fond de lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas cela. Ce qui prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, les interdictions et les ordres, il ne les fait qu'en fonction de la révélation. Les masaïd sur lesquels il a fait ijtihad, c'est arrivé. Et si jamais il a vu correct, la révélation descend pour le confirmer. Et si jamais la vie qu'il a eue n'était pas correcte, Allah vient et rectifie. Mais là, c'est sunna tawqifiyya, c'est-à-dire celle qui émane de la révélation directement. Directement. Donc lui n'avait pas interdit cela du fait qu'il n'avait pas encore reçu l'ordre de le faire. Et par la suite, comme ce rêve est venu, c'est une chose qui est montrée, qui est venue l'heure de blâmer cet acte, cette parole qui est du shirk. Vous voyez, c'est un love shirki, asrar. Également, on y trouve que les ru'ya, les rêves, ont une part de vérité. Et que les choses de la révélation sont déjà venues à travers le rêve des sahaba. Comme l'azan, masalan. L'azan est venu à travers un rêve. Vous voyez, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a confirmé, et après l'azan, quand je dis l'azan, les termes employés dans l'azan. Et que par la suite, l'azan est devenu mashrou', parmi les emblèmes de l'islam. Et il y a aussi également le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une chose, un mal se propage, comme il a dit, el-ahbarta ahdan, est-ce que tu as informé quelqu'un? Il a dit oui. Comme c'est propagé, alors il s'est vu obligatoire de faire un bayen. Ce qui montre que quand une chose, un mal se propage, que tu es concerné toi ou autre, et que tu as une réponse, quand tu vois que ça se propage au milieu des gens, tu dois éclaircir. Tu restes pas comme ça, ça inquiète. Tu dois éclaircir. Naam. On prend les masaïl de Sabab. قال فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر كل يهود كل نسل الشرك أصغر ممن أكبر فهم الإنسان إذا كان له هوى que la personne même si elle a des passions elle a une compréhension des choses الثالثة قول أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال Mali min aloudhi bihi siwaka. Wal baytain ba'dahu. Ça n'a pas été cité là. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, as-tu fait de moi un égal à Allah? Après c'était des vers qui n'ont pas été cités dans le livre. J'ai pas fait attention à ça, ça m'a échappé. Il dit dans ces vers que la personne cite qu'elle n'a pas d'autre. Alouz. Vers qui revenir en dehors de toi, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je me demande si c'est pas dans la Bourda ça. La Bourda, la poésie dans laquelle il y a du shirk et du ghoulou dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je la connais pas par cœur, comme dit la chèque. Mais je me demande si ces vers-là ne sont pas là-dedans. Ça n'a pas à qu'en, Inch'Allah. Rabi'a, anna hadha laysa min shirk al-akbar li qawlihi yamna'uni kaza wa kaza. Que le fait de dire cette parole-là n'est pas du shirk akbar, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui m'empêchait de vous reprendre, c'est telle et telle chose. Sourate Akbar, tout de suite, je l'aurais repris. Et l'Asrar, il a attendu que la révélation vienne pour le démontrer aux gens. Khamisa, anna ru'ya as-saliha min aqsam al-wahy. Que la, le rêve pieux fait partie, est une forme de wahy, de révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que le rêve pieux est une partie de la prophétie. Un 60e de la prophétie, je crois. As-sadisa, annaha qad takunu sababan l'ichar bard el ahkam, qui peut être une cause justement pour légiférer des choses. Comme on a cité l'exemple de l'adhan. طيب ناخذ الباب الذي بعده هو قصير باب من سب الدهر فقد اذى الله. Le chapitre de celui qui insulte le temps a certes offensé Allah, porté offense à Allah, porté préjudice à Allah subhanahu wa ta'ala. قال قال الشارح أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن سب الدهر وغيره من المعاصي من جملة الأشياء التي تناقض التوحيد وتضعفه وتنافي كماله والواجب والحذر من الأسباب التي تضعف الإيمان من المعاصي وسب الدهر وسب الريح وسب ما لا يستحق السب وما يغضب الله. Que l'auteur a voulu par ce chapitre montrer que le fait d'insulter le temps et autres fait partie des ma'asi et des choses qui s'opposent au tawhid et qui l'affaiblissent et également qui s'opposent à sa complétitude. Je pense que complétitude, ça existe ce mot-là, sa perfection. Donc il est obligatoire de prendre garde aux causes qui affaiblissent la foi parmi les ma'asi, comme insulter le temps, insulter le vent, insulter les choses qui ne méritent pas d'être insultées et ce qui cause la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تصرف فهو مدبر من الله تعالى وهو الليل والنهار فسبه إذاء الله والله لا يضر شيء ولكن المعاصي تؤذي الله لأنها تغضبه كما قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Donc il dit que le dahar, le temps, est une création qui elle-même est contrôlée. Elle ne possède rien dans le cours des choses. Elle est contrôlée par Allah. Et le temps, c'est quoi qui est voulu par là? La nuit et le jour. Donc le fait de l'insulter revient à porter préjudice à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il cite en arabe, comme on l'a dit la dernière fois dans un ders, qu'il y a une différence entre le fait yani al-iza et al-dar. On avait parlé. C'est pas tout ce qui. Il y a Yuzik, il y a Durruk. On n'allait pas être rappel. Car Allah, il y a Durru Shay'an. Ou Shay'un. Vous voyez? Il y a Durru Shay'un. Allah, il n'y a rien qui lui nuit. Mais des choses peuvent l'offenser. Comme le fait d'insulter le temps. Et qui le mettent en colère. Comme le colère Azawajan dans le sens où il dit certes, ceux qui portent offense à Allah et à son messager. Donc le fait d'insulter le temps, et dahar, c'est le temps. Comme quelqu'un par exemple qui dit qui insulterait un jour, une heure, un moment, d'accord? Il dit par exemple chez moi, ah quel sale jour aujourd'hui, ma salane. Et pour les alikas. Ou quelle mauvaise nuit. Pas dans le sens que lui il a passé une mauvaise nuit, mais il insulte la nuit en elle-même. Donc là, ça revient à insulter le temps. Et insulter le temps, qui est-ce qui contrôle le temps? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire qu'en fait, tu t'en prends à ce que Allah a décrété. Naam. Ou faire des invocations. La barakallahu fi zalik al-yom. La'an Allah, hadha al-yom. cette journée, cette nuit. Quant au fait d'informer Mathalen, le temps, même le climat, une chose qui est réelle, tu dis aujourd'hui, par exemple, tu dis le froid il est dur, il est chadid. C'est pas insulter le temps. Là tu informes une chose qui est réelle. Le froid il est dur aujourd'hui. Tu dis aujourd'hui la chaleur elle est intense. Par exemple, le climat également. Ça rentre pas dans le fait d'insulter. Tu décris la chose et c'est tel quel. Toutes ces choses-là ne rentrent pas dans ce jugement-là. Ou tu dis par exemple, aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée. Tu n'insultes pas toi la journée en soi. Mais les faits qui te sont arrivés ne t'ont pas. Tu n'as pas agréé ce qui t'est arrivé aujourd'hui. T'es arrivé telle et telle chose. Aujourd'hui, il m'est arrivé que des soucis. Tu vois ? Maintenant, si tu le dis dans le fait d'informer, là, ben, si jamais tu le dis en te plaignant, ça peut rentrer dans quoi ? Parce que ça compte à la Akdalillah. Fais attention. Maintenant, si en guise d'information, à la Jaiz, aujourd'hui, il m'est arrivé que des catastrophes. Telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose. Mais à la fin, tu dis, Qadallah ma shafa'al. Allah la kouli hal et t'espère soit une kafarat tes zunoub, des péchés que tu auras commis. قال وفي الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار وفي روايه لا تسب الدهر فان الدهر فان الله هو الدهر نقول الصحيح سنن ابو هريره que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit Allah a dit le fils d'Adam me porte préjudice. Il insulte le temps et je suis le temps. C'est moi qui contrôle la nuit et le jour. Dans une version, n'insultez pas le temps, car Allah c'est le temps. Donc le hadith en lui-même, il est wadih. Quand on dit Allah c'est le temps, c'est-à-dire le dahr, l'isam min asma'illah. Comme l'a dit Ibn Hazm. Ibn Hazm, comme le chien le cite, il a dit que le dahr min asma'illah. Ça ce n'est pas correct. Juste, quand on dit Allah c'est le temps, c'est-à-dire c'est Allah qui contrôle le temps. Hadha huwa al-maqsoud. Ou en fait également le fait d'insulter le vent. Car c'est Allah qui contrôle le vent. Insulter la pluie. C'est Allah qui fait descendre la pluie. Et la pluie parmi les ni'am d'Allah. Maintenant c'est vrai qu'il se peut que Allah descende une pluie qui nous nuise. Par rapport aux dégâts matériels et les alikas. Là il y a un dua. Quand même par rapport à ça. Qui n'en est pas le sujet. Donc on n'a pas insulté. Vous voyez ? Les koufars disent quoi par exemple? Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent comme insulte? Un temps de chien. Ben, c'est kabir, là. Vous voyez, un temps de chien. Là, c'est une insulte. Adama et Ajouz. Ou ils vont dire, aujourd'hui, c'est un temps pourri, la salade. Ada kazalik. Tout ça, ces termes-là, il n'est pas permis aux muslims de les employer. Même au kafir à la base. Bon, là, on parle au muslim car il est mukallaf et lui, il craint Allah. Le muslim, le kafir, il en a rien à faire. Il dit ce qu'il veut. Naam. Donc là, le temps n'a pas été insulté car ça revient à s'en prendre aux écrits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va prendre les masa'il. Il n'y en a que quatre. Qal, al-oula, al-nahi, la, afan. Je répète page. Naam. Al-nahi, an-sabi, dahar. Qu'il est interdit d'insulter le temps. Tasmiyatuhu aza lillah. Que Allah appelle cela comme étant un préjudice envers lui. Aza. At-ta'ammul fi qawlihi fa inna Allah huwa ad-dahr. Méditer sur le fait que Allah il est dit que Allah c'est lui le temps. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle le temps. Rabi'a annahu qad yakunu sabban walaw lam yaqsud bi qalbihi. Et qu'est-ce que la personne insulte alors que dans son cœur il n'a pas visé l'insulte. Donc, prendre garde au terme qu'on emploie. Prendre garde au terme qu'on emploie. Voilà, c'est un peu Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.